71e leçon. Une déception. Anne, est-ce que c'est vrai que les Français aiment bien manger? Mais oui, cela fait partie de nos qualités ou de nos défauts. Mais pourquoi tu me poses cette question? Avant de venir en France, tout le monde m'a dit « Ah, oh, vous verrez, en France, on mange bien. Vous mangerez des spécialités. » Des produits frais. Vous goûterez à des petits vins de pays, et tout, et tout. Mais ça fait 3 jours que je suis ici, et aux Champs-Élysées, par exemple, je n'ai vu que des fast-foods ou des pizzerias. Pas très typiques. Oui, mais le prix du mètre carré y est tellement élevé que seuls les restaurants industriels sont rentables. Mais ne t'en fais pas, mon touriste affamé. Demain, je t'emmènerai dans un vrai restaurant français. Exercice. Il fait partie du gouvernement. En France, on mange bien. Ça fait 2 semaines que je travaille très dur. Les prix en Suisse sont très élevés, mais les salaires sont élevés aussi. Il n'a vu que des restaurants industriels.